l'école à la radio, on écoute l'école secondaire catholique Nouvelle Alliance de Barrie. Hey, voulez-vous avoir la chance de rencontrer Dwayne Casey, l'entraîneur en chef des Raptors? Moi, oui. Mon nom est Sammy et voici l'histoire du succès des Raptors. Les Raptors ont eu le record pour leur organisation, pour la meilleure saison, et ont fini en première place dans la division Est de l'Association nationale de basketball. Mais comment? Au noyau de l'équipe se situent DeMar DeRozan, Kyle Lowry, Jonas Valanciunas et Serge Ibaka. Les jeunes, Fred VanVleet, Delon Wright et Jakob Poeltl, donnent du bon support. Les vétérans CJ Miles aident aux jeunes à être constants. Finalement, les Raptors ne seraient pas si incroyables s'ils n'avaient pas Dwayne Casey. Il montre un nouveau système qui fonctionne mieux dans la NBA aujourd'hui. Penses-tu qu'ils gagneront les finales? La vitesse est un aspect très important dans le basketball. Alors prochain, on va voir plus sur la course à pied. Hey, c'est Usain Bolt. Non, c'est une blague. Salut, c'est Amedeo de Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, je vais vous parler de la piste et pelouse. Je vais vous décrire le sport, son importance et pourquoi j'ai un intérêt pour le sport. Premièrement, la piste et pelouse est une activité ou une compétition entre plusieurs écoles dans une région. Les élèves vont choisir une activité à participer et vont compétitionner contre les autres élèves. Il y a plusieurs activités comme le saut long, le triple saut, le sprint à 100 mètres, la course de 400 mètres, 800, le 1500 puis le 3000. Le sport est très important pour moi car j'adore la course. Aujourd'hui, je vous ai informé pas mal tout sur le sujet de piste et pelouse. Merci pour m'écouter et n'oubliez pas que vous écoutez à CFRH. À vous revoir à la piste. Bonjour, c'est Jorge aujourd'hui. J'aimerais vous parler à propos de la compétition de course de fond de l'année 2017. La compétition de course de fond de 2017 était très dure. Par contre, il y avait beaucoup d'entraînements qui le rendaient beaucoup plus dur. On entraînait au parc Sunnydale en courant autour du terrain pour environ 2 km pour entraîner notre endurance, puis on courait sur la colline pour entraîner nos jambes. Je ne savais pas si la compétition allait être dure ou non, mais quand je me suis arrivé aux compétitions, c'était vraiment le fun et c'était une expérience vraiment amusante. Après la course finie, le superviseur donnerait une ruban aux premiers trois à finir la course pour chaque année de concurrent, puis on retournait à l'école. La compétition de course de fond est vraiment amusante et une expérience magnifique. Je te suggère de participer aux compétitions de course de fond car ça peut te rendre en bonne forme physique avec la pratique, puis tu peux rencontrer de nouveaux amis. C'est tout pour moi aujourd'hui. C'était un plaisir de vous parler. Au revoir. Bonjour à vous tous. Savez-vous que quelques temps passés, les G-Bleus de Toronto célébraient leur 40e anniversaire? D'après moi, si t'es Canadien, ça te fait une très bonne raison d'aller les voir. Si t'as pas, ça me dérange pas. Tant aussi longtemps que tu vas les voir dans les prochains jours. Et pour les personnes qui ont quand même aucune idée qui ils sont, écoute pour un autre comme quelques secondes. Alors, depuis leur premier jeu en 1976, qui était en même temps que le 10e Super Bowl a commencé, coïncidentellement, ils jouent bien, puis ils sont même allés dans le championnat du monde en 1992 et 1993, qui est bon. Normalement. Aujourd'hui, il contient 25 joueurs, un coach, et ils sont encore l'équipe préférée de baseball de Toronto. Aussi, ils sont la seule. D'après moi, c'est assez de description sur eux. Espérons que c'est le même pour vous. Si tu vas me promettre que tu vas penser à aller voir un temps, ça serait bon ça. Si oui, sinon, c'est quand même correct, puis va un jour. Alors, c'est tout pour moi. À la prochaine. Hey la gang, je suis Robert Hoffman, votre spécialiste du hockey. Aujourd'hui, bang, je vous parle des séries éliminatoires de la LNH. C'est impossible à savoir qui va gagner, mais j'ai une idée, en avez-vous une? Les séries éliminatoires, c'est un grand tournoi qui commence au mois d'avril. Les équipes jouent dans les séries de 7. Alors, le gagnant de 4 matchs avance à la prochaine ronde. Ce qui veut dire que l'autre équipe s'en va golfer, comme l'ont fait les Canadiens de Montréal avant les séries. L'équipe qui part la série est éliminée. Pour qualifier, les trois meilleures équipes de chaque division rentrent dans les séries. Aussi, les dernières quatre places sont remplies par les deux autres meilleures équipes de chaque conférence. Ça s'appelle le Wild Card. Les séries éliminatoires sont pour déterminer quelle est la meilleure équipe de cette saison. Cela est impossible de savoir qui va gagner la Coupe Stanley, mais il y a beaucoup de visionnaires de hockey qui gagent sur quelle équipe va gagner. Selon moi, je pense que l'équipe de Tampa Bay Lightning va avoir une très bonne chance de gagner la Coupe, car ils ont commencé une bonne saison et ils ont tous les outils pour gagner. Ils ont une bonne attaque et aussi une bonne défense qui joue un peu d'offense. Steven Stamkos et Nikita Kucherov, ils sont des vedettes des Lightning. Voulez-vous en savoir plus? Cameron Schneer va vous parler des vedettes de Toronto. Bonjour, je m'appelle Cameron et je vais parler des Maple Leafs de Toronto et leur saison. Les Maple Leafs de Toronto est l'équipe préférée des Canadiens. Cette année, ils sont rendus à la série éliminatoire de la LNH pour la deuxième année consécutive. Malheureusement, ils ont commencé leur carrière de golf après le premier round l'année passée. Ils se sont grandement améliorés cette année grâce à Matthews, Marner, Nylander et surtout Anderson. Ils ont terminé la saison en troisième place dans leur division et sixième dans la ligue avec 105 points. Ils ont gagné 49 jeux qui brisent un record du franchise. Pour plus de victoires dans une saison, plus de points dans une saison et plus de victoires locales dans le Air Canada Centre. Malheureusement, ils se font éliminer cette année par les Bruins de Boston. Pour la deuxième année consécutive, les Leafs ne sont pas capables de gagner dans la première ronde du Series éliminatoire du LNH. Merci. Bonjour la gang, je suis Liam et je vais vous parler de la voile. Aussi, je vais vous parler de mon expérience et les parties faciles et dures. Donc, fermez votre musique et écoutez bien. Alors, parlant de mon expérience avec la voile est un sport beaucoup de fun. Alors, si le bateau est trop lourd à tenir, tu dois utiliser un chariot de bateau pour le mettre dans l'eau. Aussi, si tu ne veux pas détruire ton bateau, je te dis d'utiliser un chariot. Donc, tu prépares ton bateau et tu le mets dans l'eau et essaie de mettre l'arc dans le vent. Donc, le bateau va être plus facile à contrôler avant que tu le lances dans l'eau. Donc, si tu chavires ton bateau pendant que tu fais la voile, comment vas-tu le redresser? Donc, pour redresser le bateau, c'est très facile. Tu dois sauter sur le poignard pendant que le bateau chavire, et ça c'est une façon la plus facile. Mais l'autre façon, c'est de nager. Pour conclure, alors la gang, c'est la fin de ma présentation sur le sujet de la voile. C'est mon plaisir de vous avoir parlé aujourd'hui. Au revoir. Bonjour, mon nom est Beth. Aujourd'hui, je vais vous parler à propos de l'anxiété. L'anxiété est un état de trouble physique qui est causé par le malaise, le stress, la nervosité ou la crainte d'un danger. Ceci est très commun envers les humains. C'est une émotion qui peut être déclenchée très facilement avec la peur ou même juste la nervosité. L'anxiété plus sévère est dure à préserver et de s'en débarrasser comparé à ceux qui n'ont que des crises d'anxiété mineure. Comme moi, par exemple, j'ai de l'anxiété mineure, je mange mes doigts, et c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis tellement petite. Pour aider avec l'anxiété, il y a la psychothérapie et ou la médication antidépressive. Ceci est un gros problème qui peut parfois se tourner tellement mal et que ça va tellement grave. Alors c'est bien d'avoir de l'aide en avance au lieu que ça devienne tellement sérieux et dur à préserver. Merci. Bonjour, c'est Gabi. Aujourd'hui, on parle de l'intimidation en ligne. C'est un problème qui devient de plus en plus sérieux parce que les jeunes sont tellement branchés. L'intimidation est donc plus accessible à plus de gens. Les gens dépendent beaucoup au téléphone et les médias sociaux pour avoir de la confiance. Mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas aussi confiantes et décident de dire des commentaires négatifs pour blesser les personnes. Mais ce n'est pas la façon d'avoir de la confiance. La confiance ne vient pas des autres. Ça vient de toi-même et tu devrais aimer toutes tes fautes. nous devons passer moins de temps sur les médias sociaux et donner plus d'attention aux personnes autour de nous qui nous font sentir contents et de ne pas donner des commentaires négatifs aux autres. Comment ça se C'est bon. Bonjour, c'est Gabi. Aujourd'hui, je vais te parler de la dépression et comment on peut la traiter. La dépression est quelque chose de très très sérieux qui affecte beaucoup de personnes dans le monde. Tu connais peut-être quelques personnes qui ont la maladie, mais tu ne sais pas ou ne remarques pas. Il y a de nombreux symptômes de dépression, certains que tu connaissais et certains que tu ignorais, comme être triste au long de la journée, perte d'intérêt, sentiment d'inutilité et encore plus. Cette maladie mentale a des conséquences très sérieuses et importantes qui touchent entre 15 et 20% de Canadiens au moins une fois dans leur vie et ça a besoin d'être réglé. Si tu connais quelqu'un qui, tu penses, a ce problème ou ne savent pas quoi faire, dis à un adulte ou appelle Hotline pour l'aide parce que ça peut être très utile et peut aider à prévenir des accidents dans nos vies. C'est scary comme ça. Salut la gang! Dans Zora 220, bravo! Ici Isabelle et aujourd'hui je vais vous parler de comment les Polonais se sont protégés complètement du peste noire en 1300. Si vous ne savez pas c'est quoi la peste noire, elle est un virus transporté par les puces nommées Isernia. Ceci a causé des fièvres graves, des mal de tête, des troubles de conscience et finalement la mort. Mais un pays dans l'Europe a survécu, la Pologne. La gentillesse est vraiment bonne pour tout le monde impliqué. Dans cette situation, les Juifs ont un pays pour vivre. Et les Polonais ont survécu la peste. Les deux gagnent. La raison que la Pologne a survécu est que les Juifs se nettoyaient et toute l'Europe ne faisait pas ça. C'est seulement l'Europe pensait comme les Amérindiens du 16e siècle. Ils utilisaient de l'eau d'érable pour se purifier. S'ils faisaient ça, peut-être ils ont pu survivre. En parlant d'érable, je pense qu'il y a un festival ou quelque chose comme ça. Et Daniel, tu sais, un festival, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est le festival du sirop d'érable en Elville qui vient juste de passer. Ce festival est un événement annuel où des vendeurs bordent la rue offrant de la nourriture, des livres, des items collectibles et bien sûr qu'il y aura du sirop d'érable. Dans la salle communautaire, il y a toujours un déjeuner de crêpes et saucisses pendant toute la journée. Et sur la scène principale, il y a des performances musicales par des invités spéciaux et ils seront présentés, ainsi qu'une compétition de vitesse pour manger des crêpes. À n'importe quel âge, il y avait quelque chose à faire au centre-ville. En plus, tous les profits de cette journée étaient retournés dans les écoles, les programmes de musique, la bibliothèque, les projets de l'aréna et la salle communautaire, ainsi que d'autres. Alors, défendez-vous de la peste noire et marquez vos calendriers pour ce festival qui se déroulera l'année prochaine. Pour plus d'informations, visitez emsf.ca. Okay. Bonjour, je m'appelle Sarah et aujourd'hui je vais vous parler du traitement des animaux dans les attractions familiales. La plupart des animaux vivent dans des cages et s'ils sont chanceux, une dame pense que Chéo est le cadeau parfait pour son garçon de 6 ans. Elle va jouer avec lui pendant un moment, mais alors la seule excitation pour le chien sera la décision de l'endormissement, puis ensuite manger ou de manger, puis ensuite dormir. Où vivent la plupart des animaux de toute façon? Dans les cages des zoos et des canaux, dans les voitures de train pour le cirque, maltraités dans les maisons. Ce n'est pas un choc quand nous apprenons aux nouvelles qu'un autre zoo a été fermé parce qu'il a volé 11 éléphants d'Afrique ou qu'un cirque a peint des bandes sur un âne pour faire ressembler un cerf. Et qui a décidé que les animaux étaient faits pour nous divertir? Les lions ne veulent pas avoir une face de clown, les oursons blancs ne veulent pas de graffiti sur leur fourrure, et les oursons ont et les ours ne veulent surtout pas être habillés en costume et monter des tricycles. Que va-t-il se passer quand les deux rhinocéros blancs mourront et que 35 000 tortulettes atteindront 100? Le miel sera-t-il encore une chose en 2019? Les animaux sont notre futur. Ils balancent notre écosystème comme vous ne le savez pas. Quand est-ce qu'on va réaliser que les animaux, ce n'est pas une affaire lucrative? Avant que les abeilles soient disparues? Et quand on ne peut plus respirer à cause que les arbres n'existent plus, peut-être quand il reste 1000, 100, 10 ou 1 personne dans le monde. Les animaux n'avaient jamais besoin de nous, on avait besoin d'eux. on doit réaliser que sans animaux, on n'existerait pas. Merci d'avoir écouté mon message et soyez avec eux pour le prochain show. Ils en viennent pour la chaîne. Bonjour, je m'appelle Nicolette. Aujourd'hui, je vais te parler de les animaux en refuge et pourquoi c'est important d'adopter ou donner les dons pour aider les animaux pour leurs fêtes médicaux. C'est important de se donner un don pour les animaux dans les refuges car s'ils ne reçoivent pas le traitement médical qu'ils ont besoin, ils peuvent devenir plus malades. Comme un chien ou le refuge appelé Lost Boys Hope, cette chien appelé Dandy, il a été trouvé dans une Corée du Sud à un marché de viande. Il a vraiment besoin d'une opération chirurgicale. Il perd beaucoup de poids et peut à peine respirer. S'il vous plaît, se donner un don pour lui et d'autres animaux. Tu peux donner un don pour aller à le site web de lostboyshope.net ou aller de la refuge au Berry. Aussi, pour aider, tu devrais se adopter les animaux qui ont besoin d'une maison. Oui, je sais que tu peux adopter à une autre place, mais cette place donne les animaux une autre chance de vivre. Car s'ils sauvent les animaux pour leur aider, ils donnent tout qu'ils ont besoin pour avoir une bonne maison et une bonne vie. Tous les animaux ont besoin de ton aide. S'il vous plaît, se donner les chiens une bonne maison et une bonne chance de vivre et tout ce qu'ils ont besoin. Merci aux Lost Boys Hope pour se donner les animaux une autre chance de vivre encore. Je vais vous parler de l'école à la maison, qui veut dire en anglais « homeschooling ». Certains parents font le choix de s'occuper de l'éducation de leurs enfants, eux-mêmes, pour des motivations personnelles. L'école à la maison est quand les parents décident que leurs enfants apprendront à la maison au lieu de l'école. L'école à la maison est utilisée partout dans le monde, surtout au Canada et aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont calculé la motivation des parents à faire l'école à la maison. 50,8% pensent que leurs enfants auront une meilleure éducation à la maison. 33,0% pour des motivations religieuses. 29,8% car ils ont une mauvaise qualité scolaire. 14,4% objectent ou continuent des programmes scolaires. Et 11,5% car l'éducation est insuffisante. Comme vous voyez, les parents ont à peu près les mêmes motifs. L'école à la maison a une éducation supérieure à celle des systèmes scolaires comme l'école. L'école à la maison a plusieurs avantages et également des désavantages. Voici quelques exemples qu'enseigner soi-même ses enfants te et leur permet de faire. Passer moins d'heures par jour assis à une table, car ils ont plus de privilèges à la maison. Ça laisse plus de place au temps libre ou au projet de nature artistique ou sportif quand ils ont terminé les matières selon l'éducation de l'Ontario, les aider à devenir plus autonomes, donc développer leur sens d'organisation. Ça peut respecter leur rythme s'ils vont plus lent ou plus rapide que la majorité des élèves. Ça évite l'intimidation à l'école. Et finalement, tu peux choisir son horaire de cours selon ses préférences et ses besoins. Maintenant, voici des inconvénients. Des problèmes financiers, à cause que l'un des parents doit toujours être avec les enfants ou l'enfant. Il n'y a donc qu'un parent qui fait un salaire. Il n'y a jamais une pause réelle, car le parent est toujours dans le mode d'enseignement. Le jugement par les autres enfants, car il ne va pas à l'école. Donc, une autre forme d'intimidation. Le homeschooling, alors ça c'est tout. Le homeschooling est un choix personnel et personne ne devrait juger leur choix. L'éducation à la maison a plusieurs inconvénients et l'avantage. L'école à la maison est devenue de plus en plus populaire.